Pour tout besoin électrique, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel, l'entreprise qu'il faut contacter, c'est les Électriciens du Nord de l'Ascension. En affaires depuis plus de 40 ans, les Électriciens du Nord, c'est une équipe d'expérience chevronnée qui répondra à vos besoins. Les Électriciens du Nord, 1ère rue L'Ascension, 418-347-5103. Le propriétaire, M. Ghislain Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation du carnaval de Saint-Ludger-de-Milo et invitent la population à participer aux différentes activités qui auront lieu en fin de semaine. On va dire la dernière fois, il était vraiment pas bon l'autre jour. On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît! Salut Danny! Benoît, hier, j'ai pas écouté le match du tout, là. Je sais que c'était l'arrivée de la Ligue des Champions. Donc, ça a été une victoire, c'était un match nul de 2-2. Beau résultat, impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à un match nul. J'étais surpris du début de match de l'Impact, Danny, parce que, écoute, l'Impact a marqué 2 buts dès le départ. On a très bien joué. Boyan m'a surpris beaucoup. Je pense que Boyan va être le fun à regarder cette année. Écoute, on s'attendait pas à un début de match comme ça avec l'Impact, malgré qu'en fin de match, ça manquait de forme, ça manquait de jambes. Il y a eu des blessures qui n'ont pas aidé aussi. Ça a pris ça, Danny, au Costa Rica. C'est la meilleure équipe là, là-bas. Il faut rappeler qu'ils ont déjà gagné 3, avant que la Ligue des champions CONCACAF avait ce nom-là, avait un autre nom. Et ils ont déjà 3 titres, ce club-là. Donc, c'est un club à prendre pas à la légère. Et ils sont en milieu de saison, eux, déjà là-bas. Et ils sont en première position de leur championnat au Costa Rica. C'est sûr que quand tu regardes, Danny, position par position, oui, l'Impact devrait s'en sortir gagnant, mais là, on parle de match, d'équipe, de chimie d'équipe. Je pense que là-dessus, je suis surpris du résultat. 2 matchs à l'étranger, 2 buts à l'étranger, c'est-à-dire, ça veut dire que ça inaugure bien pour la semaine prochaine là, au match au Stade olympique, là, la semaine mercredi prochain. Là. OK, ben c'est ça, la clé, c'est au moins de marquer un but. Si tu perds, c'est au moins de marquer un but, hein, quand tu vas à l'étranger. Oui, exactement. Là, ils ont marqué 2. Ça a toujours paru que... Écoute, l'équipe comme telle, j'ai pas suivi ça, là, je vais faire mon mea culpa, là. Je suis peut-être pas encore mode soccer encore, là, mais l'équipe comme telle, c'est-tu une équipe puissante? Mais Danny, juste avant, là, t'es pas en mode soccer, il n'y a pas un truc qui est pas en mode soccer, m'a dit que RDS, Sport 91.9... 98.5, Journal de Québec à matin. J'ai pas vu le Journal de Montréal, mais je dis que les autres non plus sont pas en mode soccer. C'est incroyable de voir ça. C'est décevant. C'est un match international. Quand même, un minimum de couverture. Hier, avant le match, oui, RDS, c'est eux qui présentaient le match. En passant, les gars étaient même pas au Costa Rica. Ils étaient dans le studio à Montréal. Ils étaient bien au Super Bowl. Ben non, c'est correct. C'est pas correct. C'est incroyable. Ça n'a pas de classe. Fait que, écoute, ça n'a pas de bon. Ça démontre l'intérêt encore des médias québécois, des gros médias québécois, là, à suivre l'Impact de Montréal, là. Ça n'a pas de bon. Ça, par rapport à ce que tu m'as posé comme question, tu m'as demandé si c'était un gros club. Tu parlais du Saprissa du Costa Rica, mais le club de l'Impact. Est-ce que le club, le 11 partant? Je te parle du club avec qui l'Impact affrontait. À la Deportivo, après ça, je t'en ai parlé tantôt un peu. C'est l'équipe de première position au Costa Rica. Oui, le championnat du Costa Rica est peut-être pas aussi relevé que la MLS encore présentement, mais la MLS, elle augmente d'année en année, si on le sait. Mais c'est quand même un club, comme je t'ai mentionné, a déjà remporté 3 Ligues des Champions avant que ça s'appelle la Ligue des Champions. Donc, ils ont déjà 3 titres, eux. Ils sont déjà allés à la Coupe du Monde des Clubs, je pense, là, si je me souviens bien. Peut-être que la Coupe du Monde des Clubs avait une autre appellation à ce moment-là aussi, là. Mais il faut remarquer que dans leur alignement, il y a quand même Johan Venegas qui a marqué le premier but hier pour eux, qui a joué pour l'Impact de Montréal. Il n'a pas réussi nécessairement à briller avec l'Impact de Montréal. On va s'en rappeler il y a quelques années, là. Mais lui, c'est un gars du Costa Rica. Il joue sur l'équipe nationale aussi, costaricaine. Si tu regardes le classement du Costa Rica sur la scène internationale, au niveau de la sélection nationale, ils sont quand même en bonne posture là, par rapport à ça. Ça fait que oui, il y a des bons joueurs là, du Costa Rica là, dans ce club-là. Là. OK, effectivement. Donc, on va y aller maintenant avec l'Impact. Écoute, Piatti. On avait peur pour le manque d'attaque, ça n'a pas trop paru hier. Piatti veut pas, ça demeure le gros attaquant. On avait peur que comment l'Impact va s'en sortir au niveau offensif, mais on marque 2 buts. Faut rappeler le premier but, c'est Boyan qui fait un tir sur une mauvaise passe du défenseur du Deportivo Saprissa. Et c'est sur le retour du lancer de Boyan, c'est Okwanko qui marque le premier but. Par la suite, on a vu le deuxième but de Romel Kyoto, qui a été acquis dernièrement. C'est un gars du Honduras. Et je pense qu'il a été acquis d'un club de la MLS pendant la saison morte. Il peut être à surveiller parce qu'il a marqué un super but là pour l'Impact hier. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Il l'a marqué en début de match à la 22e minute. Donc, après 22 minutes, c'était 2-0. Le fait tournant du match un peu, Danny, c'est les blessures aussi en début de match. Là. Camacho en défense qui a été remplacé par Waterman. Et par la suite, Okwanko qui a été blessé aussi, remplacé par Uruti à la 28e minute. Faut rappeler, Danny, que l'Impact s'est fait refuser un but aussi. Boyan à 2-1 s'est retrouvé seul devant le gardien. Il l'a pas mis dedans. Ça aurait pu être 3-1 pour l'Impact. Ça aurait pu être un fait marquant aussi. Il y a eu une contre-attaque et par la suite, on a égalisé 2-2. Il faut rappeler, Danny, aussi, un fait à mentionner, c'est qu'il n'y a pas la VAR là-bas. Là. Dans la CONCACAF, on n'utilise pas la VAR comme en Europe encore. Et il y avait un hors-jeu. Il y avait un hors-jeu pour l'équipe du Deportivo. Là. Fait que le but aurait pu être refusé. Là. Le deuxième but là, du Deportivo aurait dû être refusé. Mais qu'est-ce que tu veux? On dirait que la CONCACAF aussi. Là. Mais il faut rappeler que l'Impact a joué dans un terrain hostile hier. Ça brasse y avait-tu du monde? Y avait-tu beaucoup? Ouais. Parce qu'au Costa Rica, c'est des pays. Écoute, c'est en Amérique du Sud. Donc, l'Amérique du Sud, tout ce qui est. C'est un peu débile. Là, Les fans, les ultras étaient comme barrés hier. Parce que dans le match à domicile, ça brasse beaucoup. Il y a eu du débris là, dans les derniers matchs. Il y a eu quelques ultras de l'Impact qui sont montés au Costa Rica voir le match aussi. On avait des partisans de Montréal qui y étaient. Mais je pense que ça inaugure bien pour mercredi prochain. J'ai hâte d'avoir ça. Ouais, comment qu'on annonce le monde, hein? Ben avec le match d'hier, présentement, j'ai vu passer ici et là sur les réseaux sociaux 30 000 personnes. Ah, c'est bon. Mais, si on a 30 000, c'est bon, mais pourquoi pas 40, puis pourquoi pas 50, puis... C'est juste la première partie, là, je veux dire. Oui, mais le monde aime ça, le monde suit ça. J'ai hâte de voir l'affluence au Stade olympique la semaine prochaine. Quand tu regardes ce qui se passe du côté du hockey à Montréal, je veux dire, avec la saison que les gens offrent là-bas, je pense que l'Impact pourrait avoir un 30 000, 40 000 spectateurs la semaine prochaine, parce que tu sais que trois jours plus tard après, ça va être le premier match de la saison qui va se faire aussi au Stade olympique. Et puis, donc, un beau deux matchs à voir la semaine prochaine. Là. Benoît, ça a été les débuts de Thierry Henry comme entraîneur. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. On a vu des reprises vidéo de Thierry Henry après le deuxième but, très content. Se tapait dans les mains. On a vu faire un geste là, vraiment d'être très, très content du 2-0. Probablement que par la suite, quand tu as vu le début de deuxième demi était très difficile pour l'Impact, et probablement que là, il a vu que son équipe, où il y avait des manques un petit peu. On a vu Samuel Piette, j'ai été surpris. C'est pas lui qui a été capitaine hier. Avec le départ de Piatti, je m'attendais à voir Piette comme capitaine, mais on dirait que là, la donne a changé. On dirait que c'est plus Piette qui va être capitaine. Et hier, il faut le dire, là, il a fait des mauvaises passes à un moment donné. Là, j'ai peur pour Piette dans le futur. J'espère que ça va bien se passer. Est-ce que les changements que Thierry Henry essaie d'apporter au sein de son effectif, là, parce qu'il essaie d'amener des corrections au niveau du jeu, là, au niveau de la tactique, là, je pense. Il veut amener ça plus offensif pour l'Impact de Montréal. Donc, il va falloir que Piette s'ajuste rapidement, parce que j'ai comme l'impression que, tu vois, comme il n'est déjà pas capitaine, ça pourrait arriver qu'on le retrouve sur le banc tantôt. Là. J'ai hâte de voir si on a un plan B pour le remplacer. Je suis curieux là, pour le futur de Samuel Piette, parce qu'hier, il n'a pas nécessairement fait de belles passes à des moments importants dans le match. Là. OK. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine, Benoît, si tu permets. Ben oui, on s'en reparle la semaine prochaine, puis je pense qu'avec le match de 2-2 hier, deux buts à l'étranger, je pense que l'Impact devrait être capable de se rendre en quart de finale là, dans ce championnat qu'on concafe. Bravo. Donc, Benoît Lavoie d'Espace Soccer.com.